bien longtemps, dans une galaxie lointaine, à Equestria et sur ses plaines, il y avait une ferme qui produisait des pommes. Il y avait un gars, mais c'était pas un homme. C'était un poney rouge qui était fermier. Son boulot c'était de ruer sur les pommiers. Et pour les étalons, il n'était pas moche. En plus, il s'appelait Big Macintosh. Sa robe était rouge comme les pommes qu'il cueillait. Qu'il cueillait avec force quand il ruait. Y'a que sa sœur qui pourrait rivaliser. Avec son coup de sabot sur les troncs d'à côté. C'était un poney rouge qui était fermier. Son boulot c'était de ruer sur les pommiers. Vaut mieux pas que tu te prennes un coup de taloche par les sabots du gros Big Macintosh. Une belle jument nommée Cherry Lee ne se doutait pas qu'elle aurait son symphonie. Mais à cause d'une bêtise des chercheuses de talent, elle rencontra enfin son prince charmant. C'était un poney rouge qui était fermier. Son boulot c'était de ruer sur les pommiers. Il avait souvent sa langue dans sa poche. Malgré tout on l'appelait Big Macintosh. Mais quand il finit par ouvrir la bouche, sort une voix de baryton, c'est louche. Un jour il perd sa voix en faisant la poulaille, et il perdit son titre face à Pinkie Pie. C'était un poney rouge qui était fermier. Son boulot c'était de ruer sur les pommiers. Aussi sûr que Maud Paille aime la roche, y'a pas plus fort que mon Big Macintosh. Fluttershy voulait l'aider un peu, car pour les ponytones c'était ennuyeux. Du coup un moment pour faire la braille, il se fit remplacer par Flutterguy. Eh oui. I don't wanna talk. C'était un bonnet rouge qui était fermier. Son boulot c'était de ruer sur les pommiers. J'en connais qui croquerait bien sa brioche, parce que ma femme adore.